Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Ouf, désolé, il y a eu, des petits problèmes, hein? C'est très nouveau, alors voilà, ça y est. Alors, ben voici, alors je suis là, Mireille Fréjot, pour la deuxième émission. La semaine dernière, je vous ai laissé sur des parallèles entre nous et les grands singes. Sans doute qu'un jour, l'un d'eux s'est assis sur une branche et s'est mis à réfléchir. On est appelé aussi par les temps qui courent à réfléchir beaucoup plus intensément qu'habituellement. Et c'est pas toujours simple au cœur de toute cette propagande en permanence. Il y a un réel sentiment d'impuissance face à toute cette manipulation par la peur. Et comme plusieurs, je suis un peu perdue dans tout ce faux narratif des actualités. Alors, quoi faire avec cette confusion? Plusieurs, et je les en remercie, ont un besoin d'intégrité, d'authenticité et de manifester leur perception et leur choix. Alors, je reviens à mon sujet sur l'hypersexualisation de la société en général et de ses dérives. Alors, cette semaine, je retourne vers la gamine, la petite guenon humaine qui a animé mes débuts sur le plancher des vaches. En passant, tout ça, c'est plus facile à écrire qu'à dire, mais j'assume. À la puberté, Avec la libération des hormones sexuelles et le développement des organes génitaux, le désir s'inscrit dans toutes les cellules. C'est très puissant. Des pensées sexuelles, des rêves érotiques et des fantasmes surgissent. Et l'attirance pour l'autre commence à s'imposer beaucoup. Dans son approche vers l'autre, rien de plus naturel que d'appliquer les modèles appris à la maison. En effet, bien avant ces fougueuses pulsions, le ou la préado et l'ado a été sculpté, moulé par son environnement familial qui lui sert de cadre des années durant. Ne sommes-nous pas les calques, les photocopies, bref, les reproductions d'une longue lignée atavique dont les mémoires sont profondément inscrites dans nos cellules? Mira Al-Fassa a eu à ce propos cette phrase savoureuse. On est avec un bourbier à nettoyer avant de commencer sa vie. Je vais donc vous parler de mon profil, de mes photocopieurs, Margot et Michel, mes parents, et on va démarrer ça avec une petite pièce, un tango. Quand on parle de relation, le tango est toujours de mise. D'abord, ma mère. Travailleuse infatigable, femme de tête et d'aventure, ma mère a été le cerveau de la famille. Couchée tard et levée tôt, elle a gravi de main de maître les échelons de l'ascenseur social. À cette époque, rares sont les femmes, excusez-moi, de sa génération à tenir bien serré le volant de leur vie. Occupant un poste cadre dans les services sociaux en santé communautaire, elle ne chômerait pas hein, ces temps-ci, incluant l'organisation des campagnes de vaccination, elle a passé sa vie en mission. De longues journées à bosser, des tas de décisions à prendre, des tensions en masse avec ses supérieurs masculins, des médecins, essayant de changer les choses autant faire que se peut. Alors que les mères de mes amis concoctent des gâteaux et des cookies, la mienne veille à tout en même temps, surveille tout ce qui ne va pas et tout ce qu'elle doit réparer, et surtout contrôler. Une sauveuse de première. Petite, j'éprouve une immense fierté devant cette femme forte, engagée et visionnaire qui se bat ardemment pour reprendre ses droits sur sa propre vie. À autant expérimenter l'autorité, l'envers de la médaille, c'est qu'elle devient une femme de tête un peu coincée, cérébrale, dure et froide. Fort occupée à travailler et à étudier, Margot n'a pas été un sex-symbole, loin de là. Jamais de maquillage ni d'accessoires féminins, sauf en cas de sortie ultra spéciale. Du haut de mes 10 ans, c'est alors moi qui la grime et tente de l'embellir. Ces moments passés à la déguiser ont été de charmantes occasions d'intimité. Chez nous, le mec, c'est ma mère et tout un. Ce n'est pas mon père que je vais épouser, mais elle. Tant bien que mal, elle s'occupe de ses 3 bambins. Son époux, un homme-enfant volage et absent, n'est pas d'un grand secours. Là-dessus, sa fierté en prend un coup. Son honneur, elle le ravale plus d'une fois devant les infidélités répétées de son homme. Lui, pour se justifier, ne voit en elle qu'une sainte nitouche, une célibataire endurcie. Un jour, il me confie « Ta mère a tellement peur des microbes que pour la toucher, je dois quasiment porter des gants hygiéniques. » Je suis soulagée qu'elle ne soit plus là aujourd'hui parce que vraiment, la situation actuelle, elle virait totalement folle. Sur la peur de l'autre, déjà bien avant la COVID-19, on dénonçait les excès de notre société très aseptisée, obsédée par le nettoyage et la désinfection. Imaginez l'ampleur dans laquelle on est plongé depuis quelques semaines. Chacun vu comme un dangereux vecteur microbien pour chacun. Diviser pour mieux régner n'a jamais eu autant de sens. Bref, pour ma mère, les minauderies et le désir, elle ne connaît pas, ou n'a pas le temps, ou n'aime pas. J'ai le souvenir d'elle en petit soldat, seul au front, toujours au bord du précipice, aux prises avec un équilibre précaire, passant du bonheur à la tristesse, de la gentillesse au désarroi, et plus souvent qu'autrement, baignant dans la solitude et la fatigue. Je l'ai souvent entendu dire, si j'avais eu un vrai compagnon, j'aurais pu souffler un peu. La vie de ma mère a été ponctuée de si. À la longue, elle a développé la mentalité d'une assiégée, sa vie en point de suspension. Elle a tout de même développé des intérêts, dont les voyages et une passion pour les oiseaux. Ornithologue enthousiaste, tous les week-ends, elle enfourche son vélo en direction des meilleurs sites d'observation. Jusqu'à 40 ans, elle va même travailler sur deux roues au grand dam de mon père, qui se dit « qu'est-ce que les gens vont penser, qu'on n'a pas les moyens de t'offrir une auto ?» Par la suite, elle s'en offrira de superbes, à bord desquelles elle fait des tas de road trips seule, avec son équipement de camping, ses jumelles pour les oiseaux et bien sûr son vélo attaché à l'arrière. L'année de mes 44 ans, ma mère a décidé de quitter cette planète via une chirurgie mineure qui a mal tourné. Elle qui croyait dur comme fer en la médecine. Elle est restée piégée dans son corps pendant 8 jours, prise en otage dans un tiroir qui ne s'ouvre pas sur la vie ni ne se ferme sur la mort. Alors vient la question, on débranche ou pas? La peur qu'on la torture encore davantage, que l'on s'acharne sur elle et surtout qu'elle finisse en légumes d'institution me sont encore plus insupportables que sa mort. Et j'avoue, la peur aussi de voir mon petit héritage gelé par le fait même. La machine finalement mise à off, débranchée, l'acte est froid sans appel. Incrédule, atterrée, le corps au bord des lèvres, je l'observe partir. J'ai peur, j'ai mal. L'impression que moi aussi je vais mourir au pied de ce lit anonyme, d'hôpital. Juste avant son dernier souffle, j'ignore impuissante comment la retenir. À mon grand étonnement, monte alors en moi une forte pulsion sexuelle. la sexualité, la force motrice de l'existence. Je veux la retenir et pour ce faire, la posséder. Quand l'attachement ne sait plus par où prendre l'autre, le garder, peut se poindre cet instinct purement sexuel. Ne sommes-nous pas tous venus au monde par cette énergie? Plusieurs fois, j'ai entendu des gens revenir de funérailles et qui avaient une folle envie de baiser. La victoire de la vie sur la mort, tout simplement. À peine une minute s'écoule après le débranchement des machines qui la maintiennent en vie. Derrière moi, une infirmière prononce un impassible, mais sympathique. Elle me fait penser à une hôtesse de l'air qui m'indique la porte de sortie. Ma mère s'est transformée en matière inerte que les vivants doivent vite ôter de leur vue. En ce moment, plus que jamais, des gens meurent seuls avec pour dernière image une scène de film de science-fiction apocalyptique. Ça fait partie hein, des terreurs qui se passent actuellement. Je reviens à ma mère. Aux obsèques sur le parvis de l'église, mes frères et moi, nous nous déchirons. Notamment, la succession, comme c'est souvent le cas, fait des ravages. Les héritiers font une lecture très particulière d'un testament. Ils y voient une expression de l'amour que la personne défunte leur a donnée. Si quelqu'un se voit avantagé par rapport aux autres, branle-bas de combat. Les successions constituent la première source de conflits familiaux. Les vieilles blessures, les jalousies jamais ouvertement avouées remontent alors à la surface. Tout le monde est sur les dents, ça craint. Les règlements de compte entre vieux gamins à propos du territoire, du genre, deux points, elle t'a plus aimé qu'elle m'a aimé, font de nous des enfants guerriers pathétiques. Malgré le goût d'éventrer des secrets de famille et de crier notre désarroi, on reste souvent dans l'omerta. Une parenthèse ici à propos aussi devant le tsunami économique et bancaire qui s'annonce. C'est le temps de vérifier peut-être comment protéger vos épargnes si vous en avez. L'écroulement de l'économie risque de faire bien plus de victimes que le virus lui-même. Le système veut nous garder sur la corde raide en vivotant. Il faut trouver des alternatives et elles existent. Il existe d'autres modèles que l'économie verticale qui peut s'écrouler comme une tour du World Trade Center. En 2001, en Argentine, on se rappellera que des banques fermées qui avaient protégé leurs vitres et renforcé les blindages car les manifestants s'y attaquaient à coups de marteau pour reprendre leurs épargnes. Je reviens à ma mère. Petite, j'ai pensé, malgré tous ses talents et sa puissance, elle n'a pas su garder son homme, mon père. Dès la préadolescence, donc, je vais choisir mon camp, celui des séductrices, une habileté que Margot n'a jamais su ou voulu développer. Je vais faire une petite pause avec la pièce de Philippe Beer, S'attacher. Tell you what. soleil filtre dans un pays étrange et la légèreté indifférente. Tes mots me blessent, ton conscience, ton ignorance, cette liberté. Et je poursuis. L'imbroglio conjugal de mes reproducteurs a provoqué de sordides mélomélos où les histoires de sexe, de mensonges et de trahison ont occupé presque tout l'espace. Et la horde que nous formions devait coûte que coûte identifier un coupable. Le géniteur, mon père, a remporté la palme. Son couronnement a fait l'unanimité. Il ne faisait aucun doute qu'il était le trouble-fête, le rabat-joie, l'été noir de cette chaleureuse et réconfortante vision de la famille modèle. J'ai le souvenir d'éclats de voix qui montent, d'insultes qui fusent et de portes qui claquent. Si aimer, c'est souffrir, mes parents se sont beaucoup aimés. De fait, mon père était un homme à femme, un sexoholique, qui n'avait guère d'autres ambitions dans la vie que de séduire. À l'époque, à son époque, pour baiser un homme devait d'abord épouser une femme. Il n'a eu d'autre choix que de se passer la corde au cou. Dommage, car il préférait de loin butiner plutôt que de s'engager. Si l'on recule un peu dans le temps, plusieurs étaient des sous-développés du sexe, des analphabètes du plaisir. Pas mon père. Véritable sismographe de sensations, son appétit sexuel semblait insatiable. Sa chambre, mes parents avaient chacun la leur parce que ma mère l'avait mis dehors de la chambre conjugale. Alors, sa chambre, donc, était une vraie caverne d'Ali Baba. Des piles de magazines érotiques, pornographiques et de bouquins coquins s'empilaient comme autant de trésors à faire saliver les préados boutonneux en quête de sensations. Toutes ces pin-ups en plumes et en paillettes posant sur ces couvertures de magazines de papier glacé m'envoûtaient. Les numéros de Penthouse et de Playboy trônaient en chef de file. D'ailleurs, semble-t-il que ce mois-ci, Playboy est une autre victime de la COVID-19 parce que il va tout miser sur le numérique ayant eu des difficultés de production. Alors, il avait 66 ans d'existence. Il avait commencé en 53 avec Marilyn Monroe en couverture. Alors, retour vers le profil de mon père, plutôt vers sa chambre. Mon regard émoustillé s'éparpillait sur toutes ces bimbos dont les chairs semblaient déborder du carême même des pages. Elles envahissaient toute la pièce, inondaient et submergeaient mes jeunes hormones en folie. Masturbation, caresses, fellation, sodomie, toutes ces images et ces mots qui dansaient devant moi pour me faire entrer de plein fouet dans le monde des grands. C'était comme accéder au Graal. Un vrai chemin de croix orgasmique, une bible jubilatoire, pour l'époque en tout cas, car il n'y avait pas tous ces shows sur le sexe à la télé, pas plus que sur le web. Malgré mes émois, tout cet étalage me rendait aussi perplexe. Pourquoi diable autant de seins et de fesses? Et pourquoi cela rend-il dingue mon paternel? Comment des gens peuvent ficher leur vie en l'air à cause de ça? Pour la fillette que j'étais, que de questions sans réponse. À défaut de comprendre, je replongeais dans la lecture du livre « Madame » écrit par Xaviera Hollander, ancienne calgueur et auteure de romans érotiques. Elle a été ma nounou en coaching érotique. Aussi, je m'amusais à faire des jeux de patience avec les jeux de cartes coquins de mon père, au cœur desquels se pavanaient moult de gourgandines flambant nues. Définitivement, la chambre de mon père, c'était ma planque, mon jardin secret. En cachette, je m'y permettais quelque chose de totalement défendu, d'interdit, d'exaltant. J'ignorais alors qu'une irrésistible aura de bad girl allait m'envahir. Plus tard, bien campé dans l'adolescence, je ramenais à la maison des copines, de belles filles à la chair bien ferme, et mon père ne se gênait pas pour déployer sous mes yeux ses talents de séducteur. Est alors monté en moi un sacré flash. Plusieurs se souviennent de ce fameux dicton, « Toutes des putes sauf maman », je l'ai complété avec cette phrase de mon cru dont j'étais très fière, « Tous des cons, même papa ». Me le répéter m'a fait du bien pendant un certain temps. Et puis, comme plusieurs paternels aux prises avec un certain chaos devant la puberté de leur gamine, scandalisée à la vue de mes mini-jupes, il m'a traité de petite putain. Visiblement, le fait de constater que sa propre fille devient un objet de désir pour d'autres hommes n'est pas facile pour un père. Et plus que tout, je craignais qu'il se promène nu devant mes camarades, car cet homme n'éprouvait aucun problème avec la nudité. Naturaliste à 16 heures, il offrait tout un spectacle en déambulant nu dans la maison et en se gratouillant une fesse. Novateur sur d'autres points aussi. J'ai notamment appris, plus tard, qu'a priori, il ne voulait pas d'enfants, alors que ma mère espérait vivement en pondre quelques-uns. Aujourd'hui, je ressens une certaine complicité et une fierté devant son refus de procréer, et je reviendrai là-dessus. Ses beaux habits, ses cigares précieux, ses maîtresses et ses immenses voitures décapotables, ça le comblait. Il est loin d'être le seul homme à avoir carburé davantage à ses voitures qu'à sa progéniture. Ses marmots étaient un obstacle, une chape de plomb sur ses perspectives et ses fantasmes. À sa façon, il s'est débrouillé avec ses propres déchirements pour se maintenir à flot. Lui qui aimait tant l'eau et les bateaux. Sa vie, un naufrage. Atteint d'un cancer foudroyant, il a déposé son bilan et pris le large à l'aube de la cinquantaine au milieu des années 1970. Il a en tout cas défié les lois de l'établissement qui exigent qu'un mâle nord-américain figure solidement à côté d'une femme, d'enfants, d'un chien et d'une cheminée. Bien que nous ayons eu tout cela à la maison, tout y était sauf lui. Ma foi, aujourd'hui, je le comprends. Il est mort chez lui, dans cette maison, entouré des bons soins de sa vieille ennemie, sa femme. Ils se sont même réconciliés, semble-t-il. Moi, j'ai profité de l'agitation. La mort, ça crée un méchant remue-ménage de la tribu pour mettre les voiles. J'en rêvais depuis que j'étais toute petite. Sortir de ce capharnaüm familial au plus sacrant. En attendant mon grand départ qui a coïncidé avec peu de temps après son décès, j'avais comme précieuse amie, en plus de Madame Xaviera et sa plume érotique, une chienne, une belle Doberman et quelques vieilles poupées Barbie. Barbie, marionnette emblématique de mon parcours de petite séductrice en herbe. Et je vais faire une pause avec une pièce, très jolie pièce de Maria Piem, Spring Inside. I can still remember after oh so many years. Or was it yesterday? Or was it now? Your lips taste of coffee beans and cigarettes. You had such handsome eyes, like olive trees. As I spend the spring inside, some things I'm blurring in my mind, but you're still clear. I can't help but think that life is making fun of me. Somehow she smells mine. whispering insides of things are blurring in my mind, but you're still clear. I can't help but think that life is making fun of me. Somehow she smells my Un détour vers Barbie, Barbie Turek, que j'appelle, s'impose. Les filles commencent très tôt leur querelle de doléances et alimentent leur obsession face à leur corps. J'ai un gros cul, je n'ai pas de sein, trouves-tu que j'ai grossi, qu'est-ce que je suis moche? À la maison, nombre d'entre elles ont vu leur mère se plaindre devant le miroir. Regarde-moi ces affreux bourrelets. Ou leur père passait une remarque à leur mère. Tu n'aurais pas pris un peu de poids, chérie? C'est sans compter la pression exercée par les médias qui exhibent des mannequins filiformes et retouchés à grands coups de Photoshop. Les causes de cette obsession de la minceur sont multiples, et on retrouve parmi elles l'incontournable Barbie, qui depuis la fin des années 1950 fait partie de la famille. Sa popularité ne faiblit pas. Il se vend 2 de ses poupées dans le monde chaque seconde, soit 80 millions par an. 1 milliard de poupées vendues depuis la création du personnage. Et ça, c'est des chiffres qui datent déjà de l'époque de ma recherche pour La Belle sans la Bête. Donc, aux États-Unis, 90% des fillettes âgées de 3 à 10 ans en possèdent au moins une. Et si vous êtes canadienne, vous faites peut-être partie des 7 femmes sur 10 qui jouaient à la poupée Barbie durant leur enfance. La déesse de plastique a tout pour elle. Beauté, vie trépidante, argent, talent, tous les talents. De ses débuts jusqu'aux années 1970, elle a été mannequin. De fait, elle a occupé de nombreux postes dans le milieu de la mode. Puis, tour à tour, elle a été chanteuse, infirmière, hôtesse de l'air. Et en 1964, astronaute. À partir des 70s, Barbie a été pom-pom girl, Miss America, prof d'aérobie, championne de tennis, golfeuse, chirurgienne, rockstar, reporter télé, ambassadrice de l'UNICEF, pour ne nommer que quelques-uns de ses visages. Au tournant des années 2000, elle a endossé les rôles de parachutiste, pilote de course, styliste pour les mariages, pédiatre pour bébés prématurés, ça c'est très spécial, informaticienne, etc. Récemment, Mattel a présenté sa Barbie entrepreneur. Toute de rose vêtue, en robe moulante et talons aiguilles, avec sa chic et intemporelle serviette de cuir et son iPad, elle est prête à dégainer son smartphone. Une businesswoman hautement sophistiquée. Avant tout, le symbole d'une société de consommation qui récupère les tendances, Barbie s'adapte à chaque décennie. De princesse à candidate à l'élection présidentielle, elle traverse les modes et le temps sans prendre une ride. En 2009, elle a tout de même soufflé ses 50 bougies. Ainsi, il y a plus d'un demi-siècle que l'icône culturelle se transmet de génération en génération, de mère en fille. Et ce, partout dans le monde. Partout, sauf en Arabie Saoudite, bien sûr. Où, perçue comme un symbole de la perversion et de la décadence de l'Occident, elle y est interdite. Elle y est un pur produit de contrebande. On l'accuse de rendre les filles anorexiques, de déformer l'image qu'elles ont de leur corps et de la réalité. Ce jouet inciterait les filles à la minceur dès l'âge de 6 ans. Et à partir de 7 ans, cette empreinte serait déjà bien gravée. On le sait, Barbie n'est pas formée comme la plupart des femmes. De fait, ses proportions sont encore plus extraordinaires que celles de mannequins. Si elle existait vraiment, elle n'arriverait même pas à se tenir debout. Une infographie a été réalisée par le site rehabs.com. On explique à quel point son corps est surréaliste. On y apprend notamment qu'avec son cou, deux fois plus long que la norme, elle ne pourrait même pas lever la tête. Car Barbie ne s'enfile pas un collier spiral en laiton autour du cou comme le font les femmes girafes. Sa minuscule taille ne pourrait contenir que la moitié d'un foie et un minuscule bout d'intestin. Sa taille est plus petite que sa tête. Ses poignets sont trop fins pour porter quelque chose d'un peu lourd, et ses jambes sont 50% plus longues que ses bras, sans compter d'autres incongruités anatomiques. Il n'empêche que des Barbie Girls en chair et en os s'obstinent à lui ressembler, voire à l'incarner. Blondie Bennett, une Californienne de 38 ans, aspire à devenir une Barbie humaine. Pour avoir le même corps que son idole et des dizaines de milliers de dollars plus tard, payée par ses admirateurs en échange de vidéos coquines et dépensées, bien sûr, en chirurgie esthétique, notamment 5 augmentations mammaires qui lui donnent un bonnet Gigi, de la liposuction et des tonnes de Botox, elle n'est toujours pas satisfaite. Elle veut lui ressembler intellectuellement. Pour ce faire, elle suit des séances d'hypnose pour devenir moins intelligente. Autrement dit, pour être plus idiote, confuse et désorientée, et ça marche. Fière de s'être perdue pendant plus de 3 heures en se rendant chez sa mère et tout aussi déconfite en allant chercher une amie à l'aéroport, elle ignorait si elle devait l'attendre au départ ou aux arrivées. Ses investissements pour devenir décérébrée progressent. « Je ne veux plus avoir de cerveau, dit-elle. Je veux juste être la Barbie ultime. » Qui ne veut pas être Barbie? Elle a une belle vie, elle passe son existence à faire du shopping, à se faire belle, et elle ne se tracasse pour rien. Je n'aime pas être humaine, c'est si ennuyeux. Je veux qu'on me traite comme une poupée sexuelle en plastique. Ailleurs, pour devenir l'ambassadrice de la perfection Barbie, et elle l'est, la jeune Ukrainienne Valeria Lukianova a eu recours elle aussi à moult transformations esthétiques. Évidemment, la classique augmentation mammaire, liposuction, rhinoplastie, agrandissement des yeux, chirurgie du menton, etc. Avec ses yeux immenses et sa peau de porcelaine, qui semble faite d'un mystérieux alliage, elle ressemble à une poupée manga. Sa plastique entièrement refaite, l'idéal atteint, elle aurait pu s'arrêter là. Et non, ce n'était qu'un premier pas vers la perfection. De fait, cette étrange créature dit venir de l'espace. Vrai que son look est brigrement extraterrestre. Si l'on en croit son propos, Amatou, son vrai nom, celui du cosmos, a traversé plusieurs sphères spatio-temporelles avant d'atterrir sur notre planète. Sa mission? Devenir gourou et sauver le monde, rien de moins. Le sauver notamment de la superficialité. La dernière phrase de cette Vénusienne est d'être devenue une adepte du pranisme, qui consiste à ne pas se nourrir pour des raisons principalement mystiques. La Barbie venue de l'espace, dans sa sagesse, jure ne vouloir vivre que d'air et de lumière, et bien sûr de chirurgie plastique. Toutes les adeptes de Barbie ne vont pas jusque-là. Certaines se contentent de les collectionner, de réaliser des reproductions de ses robes et de les porter, ou même d'aller faire une visite guidée dans les maisons de Barbie grandeur nature, les Barbie Dream House, que l'on peut visiter en Europe et aux États-Unis. En gros, des musiques kitsch dont la déco rose bonbon rend hommage à la célèbre poupée. Je mets une autre petite musique. PR2B des rêves. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie. Je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu. Mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air. J'erre comme un courant d'air derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Il était 5 heures et je me lève en sortant mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé avoir tué de sang-froid un homme, comme avec une âme que j'avais trouvée là sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute. Pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour nous pousser vers la chute avec l'amour dans l'écoute. Je ne cède pas, mais j'aimerais être un peu plus forte pour me battre contre ceux qui nous préféreraient morte. Et voilà les amis qui se rangent à la vie pour bourgeoise. Je dérange les ardoises et je casse les armoires. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se fuient tous. Et les flics courent celui qu'on tue. Ils ne regardent plus que leur smartphone. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fondent en deux. Les stars coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, des espoirs démentis. Plus rien que la complainte pathétique des lentilles. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes. Des visages émaciés qui s'en vont vers les tombes. Les fantômes obscurs, les rues sans objectif. Les rêves à la chaîne. Pays fasciste, il y a dans les cieux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Je préfère être un traître. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver. Les étoiles plient quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserai te dire que je t'aime. Nelly Arcand, voilà une Barbie plus tragique que les autres en raison de son intelligence et de sa lucidité. Avec elle, on est loin de la blondasse idiote et insipide. Plus que tout autre, l'auteur Nelly Arcand incarne le symbole parfait de la profonde dichotomie entre la dictature de la beauté et l'affranchissement de celle-ci. Parmi toutes les effigies de l'illustre marionnette, celle placardée sur le site web de Nelly Arcand peu de temps avant son suicide donne froid dans le dos. Un site qui ne sera jamais vraiment mis en ligne, mais dont la page d'accueil est quand même apparue un bref moment. Le thème, Barbie au bord du suicide. On y voit Nelly étendue par terre, l'air morte, ressemblant à une poupée désarticulée. Au sol, des cercles rappellent ceux d'une cible. Elle est entourée de téléphones et d'écrans, d'ordinateurs, à l'aspect terriblement désuet, comme autant de messages qui ne se seraient jamais rendus. L'estime et l'amour de soi figés dans une conquête inachevée. C'est fou, mais vraiment fou, le nombre de colossales séductrices s'étant suicidées. Toujours ce désir de plaire, cette obsession du corps, de la beauté, de la jeunesse éternelle, de la perfection. Toujours ce même cul-de-sac dans lequel se retrouve un grand nombre de Barbie brisées. Les femmes sont responsables de leur aliénation, avait-elle exprimé, bien vrai. Elle avait aussi écrit « Ce sont les morts qui ont le dernier mot ». Moi, j'ajoute à ça le dernier mot pour eux, oui, pour les vivants, rien n'est moins sûr. Peut-on entrevoir la fin de l'engouement pour la poupée la plus connue dans le monde entier? Ce serait étonnant. Toutefois, certains audacieux tentent de la déloger. Nicolay Lam, un jeune artiste américain, a imaginé à quoi ressemblerait Barbie si elle avait le corps d'une Américaine moyenne de 19 ans. Ainsi, sa poupée Lamélie a un petit ventre, des jambes plus courtes et plus charnues, un cou moins long, etc. Autrement dit, des proportions réalistes. Ainsi va sa philosophie, dans la moyenne, c'est beau. Curieusement, après la venue de Lamélie, Mattel a lancé la Barbie Curvy, plus ronde et plus courte. Quelle surprise! Voilà sans doute une bonne piste, un petit pas du moins. Car dès leur plus jeune âge, les fillettes sont soumises au dictat de la minceur. Une étude publiée en décembre 2013 par la revue Body Image a soumis 40 fillettes de 3 à 5 ans au même exercice, choisir une poupée parmi les 3 modèles proposés. Chacune d'elles avait le même visage et portait les mêmes vêtements. Seul leur gabarit différait. L'une était mince, une autre de stature normale, et finalement la troisième affichait des rondeurs. Les 3/4 des fillettes ont opté pour la poupée la plus svelte. De plus, les bambines leur attribuaient davantage de valeurs positives. La plus mince ressemblait plus belle, plus heureuse, plus épanouie, tout en ayant un plus grand cercle d'amis. Au contraire, on associait à la plus ronde de la tristesse, de la fatigue et de la solitude. On parle ici de petites filles âgées entre 3 et 5 ans. Ça va en prendre des poupées lamellées pour faire contrepoids. Surtout que la dernière trouvaille Mattel en met plein la vue. Puis là, c'est comme je vous dis, ça date déjà de plusieurs années, ça, alors je n'ai pas nécessairement actualisé où s'en est rendu. Big Sister. La multinationale a dévoilé sa dernière Barbie high-tech. La figurine Hello Barbie écoute les moindres mots de votre enfant et les enregistre pour ensuite envoyer et analyser cette captation via une connexion Wi-Fi. La Barbie connectée dispose d'un microphone, d'un haut-parleur et d'un micro-ordinateur. Un simple bouton allume la poupée qui est chargée avec différents scripts afin de répondre le plus adéquatement possible à l'enfant. Celui-ci a le sentiment que puisque Barbie lui répond, elle l'écoute vraiment. C'est une sacrée amie. Les enregistrements des voix d'enfants et de tout ce qui se passe autour sont sauvegardés sur les ordinateurs Toy Talk. Selon l'entreprise, toute cette technologie vise à améliorer le jouet. On peut se demander ici, mais qui diable est donc ce jouet et qui écoute? D'ailleurs, les poupées gonflables pour adultes discutent aussi bien sûr avec leur daddy humain. Un homme demande à sa grande Real Dom, « À quoi rêvez-vous? » Ce à quoi la poupée grandeur nature répond, « Je fais beaucoup de rêves, dont celui de devenir une vraie personne, d'avoir un corps réel, et j'espère devenir le premier robot sexuel dans le monde. » Revenons à Mattel avec une autre nouveauté, mais qui est déjà plus une nouveauté. Moschino, la Barbie féroce, comme le dit la pub. Cette publicité met en scène un petit garçon efféminé, tout mièvre, lissé et léché comme une carte de mode, béat d'admiration devant la féroce poupée. Celle-ci est tout en glamour et cuir, forcément. Plusieurs y voient un conditionnement à faire accepter aux enfants le flou entre les sexes qui créera une génération d'êtres confus, asexués ou multisexuels ou transgenres, comme le propose une certaine tendance. Le Venezuela, pays qui depuis 30 ans remporte la palme des titres au concours de beauté, fait sa part pour torturer les fillettes. Des implants fessiers greffés à 12 ans, excusez-moi, la taille comprimée dans une gaine amincissante durant des années, ça peut aller jusqu'à une partie du gros intestin retiré, voire le port d'une prothèse de plastique sur la langue pour les empêcher de manger, etc. Certains parents font même injecter à leurs filles âgées d'à peine 8 ans, des hormones pour ralentir leur puberté, histoire de les faire grandir plus longtemps. Pourquoi encourager autant de supplices? Parce que se voir élue Miss ou Reine de beauté fait contrepoids à la pauvreté. Le tableau, bien flamboyant à l'écran, est profondément sinistre. Et parlons-en des concours de beauté pour fillettes, des bonbons sexuels, comme on pourrait les appeler. Je vais vous en parler, mais à la prochaine émission. Je suis allée un petit peu dans... j'aime bien finir avec des petites actualités qui captent mon attention. Alors, Science Info, à la fin février 2020, à propos de la COVID, les moyens de contamination sont nombreux. On les connaît tous maintenant, éternuement, postillon, poignée de main ou pratique sexuelle. On a même dit que c'était dans l'air, donc si on parle, ça peut être partout. Mais justement, l'Organisation mondiale de la santé vient de publier un rapport précisant que la fellation présenterait moins de risques de contagion du virus qu'une simple poignée de main. Ils ont vraiment l'art de sortir des trucs aussi énormes que ça. Parce que dans tout ce qui est poussé par l'élite, le sexe a une place de choix et plus je vais avancer dans le développement de la belle sans la belle, mais plus que moi, en tout cas, j'ai compris et j'ai vu pourquoi. Et bien sûr, ici, l'exploitation sexuelle, elle, n'a pas pris de vacances malgré l'urgence sanitaire, prévient des organismes qui affirment que la crise de la COVID rend la situation encore pire pour les femmes vulnérables. Avec les règles de confinement, la prostitution a ralenti, affirme une source qui prévient que 10% des salons de massage à Montréal continuent à opérer. Des proxénètes continuent de forcer leurs victimes à travailler. Une simple visite sur les sites d'annonces permet de trouver des dizaines d'offres de services. Mais comme le nombre de clients a diminué en raison du confinement, les clients tentent de négocier les prix à la baisse, tandis que d'autres vont bien sûr essayer d'en profiter en offrant plus d'argent pour des actes sexuels que la femme refusera en temps normal. Tout ça n'est pas surprenant. La pauvreté est l'un des principaux vecteurs d'entrée des femmes dans la prostitution. Puis là, j'ai pas, bien sûr, on dit qu'il y a une hausse, il y en a qui vont jusqu'à dire de 50% de la fréquentation des sites porno, mais ça tiendrait la route. Hausse de 35% de violence conjugale, on y reviendra aussi. Et un autre secteur qui ne semble pas être complètement en pause, c'est le recouvrement et les saisies. Tiens donc. Mon mot de la fin, quelle que soit la pression extérieure, je crois important d'exprimer notre vérité, sa vérité, ses opinions, ses ressentis, même dans une atmosphère de délation, comme si on était dans un pays communiste. Et tout ça est très épeurant, mais en même temps, c'est peut-être une sacrée belle occasion de se sevrer du besoin toxique d'approbation de nos pères. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Personnellement, je ne consens pas à la gestion de ce qui se passe actuellement. J'ai une autre version des faits et je l'exprime. Pourquoi? Ben, pour revenir à ce que j'ai introduit au début. J'ai besoin d'intégrité, d'authenticité et de choix. Les choix qui nous sont proposés à court et moyen terme, c'est être robotisé ou éliminé. Mais non, merci, là, il n'existe forcément d'autres choix. Je vous laisse avec une chanson que j'aime beaucoup d'un groupe au début des années 80 qui a passé un peu sous le radar, Zot, avec sa chanson Try, et je vous souhaite une belle semaine à tous. C'était Mireille, bye bye. Bye.